1, 2, 3, 4! Punk, c'est un mot anglais qui veut dire minable, moche. Oh, I'm so educated. Les punks se font remarquer par une tenue volontairement minable, provocante. Les punks aiment la musique et en particulier le rock and roll. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. We'll be right back. Retrouvez Once Upon the Punk tous les mercredis soirs à partir de 19h40-19h45 dans l'émission Hot Rod sur Radio Web Passion.